Ah. Elle s'appelle Mariam Doumbia. Elle est chanteuse et elle est malienne. Avec Amadou, ils sont Amadou et Mariam. Un disque d'Amadou et Mariam, dimanche à Bamako. B. Charline Van Onacker est journaliste. Elle est belge. L'émission de Charline s'appelle « Si tu écoutes, j'annule tout ». C. Il s'appelle Xavier Dolan. Il est québécois. Il est acteur et réalisateur. Le film de Xavier, c'est Mommy. Le film est en français. D. Tahar Benjelloun est marocain. Il est écrivain. Moi, j'aime le livre « La nuit sacrée ».